Le bon Dieu t'es fin fait ciel avec la terre. Les patriotes y a encore pour le faire. Les créer l'homme à son image. Les balayer comme compagnie. Les mettre en paradis terrestre. Y'ont pas souffrir, y'ont pas grand goût. Les baillots ont pris défendu. Sinon manger, n'a pas péché. Satan te jaloux son rêve. Mais les diens pour qu'ils ne pas manger. Eve dit non, non, bon Dieu, pas v'lé. Sinon manger, n'a désobéi. Adam pas tout là, l'ivine rivé. Elle dit manger et puis goûter. Adam dit non, non, bon Dieu, pas v'lé. Sinon manger, n'a va péché. À peine goûter, puis valer. Bon Dieu paraît la contrôler. La désobéissance, Satan et Ève. N'aurait laissé à péché mortel. La malédiction vient résailler. Bon Dieu chasse nos dans le paradis terrestre. N'a pas souffrir, n'a pas grand goût. De ça. À la sueur de ton fond, n'a pas manger. Quelques jours après, bon Dieu rivé. Elle dit Noé, bâti on lâche. Famille Noé, pas de gens péché. Mais gon délige, caporal vivé. La pluie tombée 40 jours, 40 nuits. N'aurait laissé un délige universel. Famille Noé, pas de gens péché. Priez bon Dieu pour y sauver. Noé fait sa vie regarder. Descendez. Descendez l'arche. Pas mon bon Dieu, était